Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. أخذنا في الدرس السابق المقدمة من هذه الرسالة الأصول الستة للإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. المقدمة il a démontré أنه il va citer six fondements qui sont clairs حتى العوام ils les comprennent ou ils peuvent les comprendre. Six fondements de notre din. Donc c'est une risala muhim. Connaître les fondements de son din, c'est muhim. Ce din, il est basé sur des points, il est basé sur des fondements. Fal mu'min, il doit connaître ces fondements. Hatta le reste de la religion, il le fonde sur ces bases. Et l'an al-mushkila, anna kathir min al-nas, ils n'ont pas ces fondements. Ils font des recherches sur des masa'il, sur des sujets. C'est pas des fondements et tu les trouves, ils se contredisent. Dites-le. Un jour il wafaq al-haq, un jour il le khalif, un jour il comprend, un jour il ne comprend pas. L'imad al-anna, il n'a pas ce genre de fondement. On va étudier ensemble aujourd'hui, bi'idhnillah, le premier fondement, l'asl al-awwal al-ikhlas, et tu trouves anna ba'd an-nas, ils ont un takhabbut kabir fi at-tawhid. Fa'ahyanan, il ne comprend pas que c'est du shirk. Il n'a pas compris le tawhid, c'est quoi? S'il pense que le tawhid, c'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur, il ne va pas comprendre pourquoi on dit que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, ou qui fait tawaf pour autre qu'Allah, ou ad-du'a, il demande à autre qu'Allah, il ne comprendra pas pourquoi c'est du shirk. Il y en a pour lui, il reconnaît Allah comme créateur. Donc forcément, c'est un musulman, c'est ça le tawhid. Il aurait compris le fondement, al-ikhlas, c'est adorer Allah Azza wa Jal seul, il aurait compris, anna, toute adoration qui est vouée à autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du shirk. Yertah. Lakin, al-naqs, fi hadihi al-usul, que ce soit fi tawhid ou fi ghayr tawhid, la conséquence, ça sera le dha'f dans tout le reste. C'est pour ça que étudier ce genre de rasa'il, fi usul al-ilm, usul al-tawhid, usul al-fiqh, usul al-tafsir, c'est muhim pour comprendre le reste, surtout pour un talib ilm. Amma al-awam, il faut surtout se fixer, se concentrer ma'ahum fi tawhid. S'ils ont compris tawhid, fani'ma. Thumma, leur enseigner comment adorer Allah Azza wa Jal, ce qu'ils ont besoin comme ibadah. Fahada fardun ala jami' al-muslimin, kama akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, talabu al-ilm faridatun ala kulli muslim. Al-hadith il est ثابت. Donc ce ilm qui est obligatoire pour chaque musulman, c'est hada. Ce genre de point qu'il a cité Cheikh l'Islam fi hadhihi ar-risala. Et il a cité une muqaddima très très brève, simple, et il a commencé par al-basmala, bismillahir rahmanir rahim, et il a cité pourquoi ou les points annahu il a écrit ces six fondements rahmatullah alayhi. ماذا قلنا في البسملة؟ Pourquoi il a commencé par la basmala? رحمه الله عندك؟ نعم أن الباء في البسملة باء الاستعانة فهي كلمة استعانة نعم فماذا pourquoi il a commencé بهذه الكلمة بالبسملة؟ نعم اقتداء بكتاب الله عز وجل. فالقرآن يكمنص بق البسملة المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. quand ils ont écrit un message, une rissala pour Hiraql, النبي صلى الله عليه وسلم il leur a ordonné de commencer par بسم الله بسم الله من محمد إلى آخره. كذلك تفضل أن المسلم qui commence par البسملة فكذلك تبرك بسم الله عز وجل لأن اسم الله عز وجل فيه بركة كومونسي بار هذا الاسم. أما ما يتعلق بقوله الرحمن الرحيم on a déjà détaillé, on détaillera tout ce qui est lié avec الأسماء والصفات, on détaillera إن شاء الله في كتب العقيدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الأول premier fondement de ces six fondements إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له le premier fondement, al-ikhlas. Kadhalik, on l'appelle at-tawhid. Ikhlas ad-din lillahi ta'ala wahdahu la sharika la. Fahad ad-din, qui comporte des adorations, que ce soit des paroles, des gestes, des actes, des croyances, tout ça, c'est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Fas-salat, wa-siyam, wa-zakat, wa-l-hajj, wa-du'a, wa-l-khawf, wa-l-raja, tout ça, c'est des ibadat, on doit les faire que pour Allah azza wa jal. La sharika lah. Donc ce fondement, at-tawhid, c'est la base de notre din. Et c'est ma'na, la shahada, que chaque personne il doit prononcer et comprendre pour rentrer fi dinillahi azza wa jal, thumma l'appliquer bien sûr. À ma dire une chose et la contredire, rubbama insanun, il prononce la shahada et contredit le fondement. Ce fondement, il contredit l'explication, le sens de cette shahada. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ce fondement. قال شيخ الاسلام وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. Et ça c'est important de connaître une chose et de connaître son contraire. Son... Pourquoi شيخ الاسلام cite الضد؟ لأن الشرك كما سيأتي معنا سأنيل toutes les œuvres. الإخلاص والتوحيد et autres. Donc parmi les choses importantes c'est de comprendre le fondement الإخلاص التوحيد et bien sûr de connaître cette chose qui l'annule. الشرك حتى تطبق ce fondement وتحافظ عليه tu le préserves. Donc c'est important de connaître le bien et de connaître le mal, connaître le bien pour l'appliquer, connaître le mal pour s'en écarter. Amma celui qui veut connaître que le bien et il veut pas connaître le mal, فهذا ربما même s'il a une bonne intention de faire le bien, il pourra tomber dans le mal. Pourquoi? لأنه il le connaît pas. فلهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. Il demandait au prophète صلى الله عليه وسلم عن الشر, sur le mal, sur le fitan. Pourquoi? Pour se préserver, رضي الله تعالى عنه. قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. القرآن كله في التوحيد كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله. إما في التوحيد directement, إما sur les choses qui annulent le tawhid, إما sur la récompense de أهل التوحيد, إما sur le châtiment de ceux qui délaissent التوحيد. القرآن tu trouveras que c'est دائما حول التوحيد. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. صحيح أن مسائل التوحيد sans rentrer dans les détails bien sûr certaines مسائل, أما globalement مسائل التوحيد c'est très simple. Il faut adorer Allah عز وجل seul et ne pas adorer autre qu'Allah. Tu trouveras que الأدلة, ils vont citer quelques-uns, شيخ ابن عثيمين رحمه الله, ils sont très simples. حتى العام يفهم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. C'est واضح. Al-Ammi comprend Al-La'na. Il sait que c'est quelque chose de grave. An Allah subhanahu wa ta'ala yil'an man fa'ala dhalik. La'an Allah, Allah il maudit man dhabha li ghayrillah. Al-Ammi comprendra que c'est pas bien de sacrifier pour autre qu'Allah. C'est grave. Donc il n'y a pas besoin d'un niveau élevé pour comprendre At-Tawhid. La. Ahlul bid'a wa dhalal wa shar. أهل الكلام والفلسفة ils ont compliqué les choses, خاصة في علم الأسماء والصفات. أما عند أهل السنة c'est très simple. قال الله قال الرسول. Tu peux faire cette chose, tu ne peux pas faire cette chose. Et في التوحيد ils ont une règle très simple, وهي قول الله عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. C'est ça la base. T'adores Allah seul et t'as pas le droit de lui associer quiconque dans cette ibadah. Ce point, ce fondement, hatta al-ami, il peut le comprendre et il doit le comprendre et il doit faire les efforts pour le comprendre en étudiant, en lisant ce genre de rasa'il. قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة التنقص الصالحين. Et c'est ça المصيبة, أن الشيطان هذا العدو qui combat al-muslimin laylan wa nahara. فقوله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين. فالشيطان يحارب المؤمن ليلا ونهارا. الشيطان يكومبات المسلم dans ce point, surtout quand ce muslim il s'écarte de l'ilm. C'est pour ça que Cheikh l'Islam قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار. Ils se sont écartés de l'ilm. Ils se sont écartés de Ahl al-ilm. Ils font beaucoup moins d'efforts sur ce point. Fait shaytan, il a fait rentrer une shubha fi hada al-bab, une ambiguïté. Anna al-ikhlas, c'est que tu ne respectes pas les salihis. Aïe, mathalan, on va dire à cette personne qui sacrifie pour ce mort, un seyyid, seyyidi foula. On va lui dire là, c'est du shirk. لأن الله عز وجل قال لعن الله من ذبح أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. Et Allah سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. On va lui citer les preuves. C'est pas une chose qu'on invente. Et le sacrifice c'est une ibada, c'est que pour Allah. Si tu lui dis, il a pas le droit, mais c'est du shirk. S'il sacrifie pour ce mort, il va penser que tu respectes pas le salihin. Et va t'accuser d'être un wahhabi, d'être kada wa kada. Alors que c'est dinullah azza wa jal. Pourquoi sacrifier pour cet être humain, pour ce mort? Hum, ils prétendent que c'est pour se rapprocher d'Allah azza wa jal. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah azza wa jal avec une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Cette chose, Allah subhanahu wa ta'ala il maudit cette personne qui sacrifie pour autre qu'Allah. Le shaitan, il leur a fait croire que c'est un moyen pour se rapprocher. Alors que c'est le moyen le plus grave pour s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Al-shirk. Donc c'est quoi la cause? C'est leur ignorance, leur manque d'effort, كذلك les mauvaises fréquentations, كذلك ils se sont écartés de Ahl al-ilm, et ils ont été manipulés par al-shaytan ou atba' al-shaytan. Donc ces fondements, si on veut les comprendre, on doit revenir à Ahl al-ilm, et on doit faire des efforts fil ilm. Et on doit faire attention à al-shaytan et shubuhat al-shaytan. Qala wa taqsir fi huquqihim. Aïe, on ne respecte pas les pieux. Et ceux qui appellent au tawhid, ils ne respectent pas les pieux al-salihun. Wa adhara lahum al-shirk billah fi surati mahabbati al-salihin wa atba'ihim. Il leur a fait rentrer al-shirk billah dans l'ibada par ce bab. Mahabbatu as-salihin. Et si tu aimes ce salih, tu vas pas, ou comment tu vas l'oublier? Tu es obligé d'aller le visiter. C'est la première khutwa. Alors que visiter les tombes, c'est mashrou. Lakin, al-shaytan, il commence toujours par une étape, c'est permis, en général. Thumma, pour égarer la personne. Thumma, des visites régulières. Thumma, des assises vers la tombe. Thumma, une demande. Thumma, un sacrifice. Thumma, tawaf. Thumma, ibadat wadiha. Pour ce mort. Al-shaytan leur fait croire. Hey, ce salih, il a beaucoup fait pour la umma. Il est aimé indallah. Comment tu vas l'oublier? Exactement ce qui s'est passé. Fi qawmi nuh. Quand ils sont morts, as-salihoun, ou certains salih, al-shaytan, il leur a fait croire à Nahou, pour pas l'oublier, il faut les représenter. Hatta on les oublie pas. Thumma un qawm il est venu et il les a adorés. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Nuh pour montrer at-tawhid li ha'oula et pour les mettre en garde contre le shirk. Et c'est ça la base de notre din al-an. Et hada al-shirk al-an il est muntashir. Et l'adoration des tombes, des pieux. Nahnu en tant que ahl sunnah, on doit faire des efforts sur ce point, akthar, khassatan ma'a al-awam, et encore plus avec tes proches. Lianna sayati ma'ana al-an, on va lire kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, et nous on a fait une brève explication du matn. Lianna Cheikh Ibn Uthaymeen dans son charh, il va pas détailler, il va pas citer les paroles du matn et les expliquer une par une là. Il cite le asl, thumma, il fait une explication sur le sujet, al-ikhlas. On a donné cette explication, hatta anta, tu comprends ce os et tu fais les efforts. tu fais les efforts, les annas, ceux qui contredisent le tawhid, Cheikh Ibn Uthaymeen va citer quelques versets sur la gravité du shirk, annahu ça annule les œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas, et d'autres choses qu'on a déjà citées et qu'on citera, incha'Allah ta'ala. فَلَعِنَاءَ بِهَذَا الْأَصْلِ. Et c'est ce qu'on étudie dans les livres de tawhid. C'est هذا. Que ce soit l'usul talata ou l'qa'il arba, ou kitab tawhid ou kishf shubuhat, tous ces livres c'est pour détailler ce asl. قال شيخ العثيمين رحمه الله عليه قوله اخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له الى اخره الاخلاص لله معناه ان يقصد المرء بعبادته التقرب الى الله تعالى التقرب الى الله تعالى والتوصل الى دار كرامته. C'est ça l'ikhlas. Ay al-qasd, c'est dans le cœur, c'est amal qalbi, ان ton but, ton objectif c'est d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Et tout ce que tu fais comme ibadat, c'est pour Allah Azza wa Jal. Que ce soit un du'a, que ce soit un salat, que ce soit un sacrifice, que ce soit tawaf, que ce soit autre, tout ça, ton but, ton objectif, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. C'est ça l'ikhlas. Wa tawassul ila dar karamati. Et ce amal, en tant que dalik, tu espères être récompensé par al-jannah. Donc, la plus grande cause pour rentrer vil jannah, ba'd rahmatullahi azza wa jal, c'est adorer Allah azza wa jal seul, al-ikhlas. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen bi an yakun al-'abd mukhlishan lillahi ta'ala fi qasdihi. Mukhlishan lillahi ta'ala fi mahabbatihi. Al-qasd, c'est son intention. Enfin, c'est a'mal qui fait son intention, c'est pour Allah azza wa jal. Pas pour se montrer. Pas pour qu'on parle de lui en bien. Pas pour se rapprocher d'une créature, là, son intention, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisan lillahi ta'ala fi mahabbatih, mukhlisan lillahi ta'ala fi ta'zimih, mukhlisan lillahi ta'ala fi zahirihi wa batinih. Toutes les adorations, que ce soit des adorations apparentes ou cachées, tout ça, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala la yambaghi. أو لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والنسك ça c'est des عبادات apparentes. النسك c'est le sacrifice. ثم الله سبحانه وتعالى il a cité sa vie et sa mort à ce abd, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hakata l'abd al-mukhlis. Il sait et il est convaincu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, et il sait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour un but bien précis. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Donc ta vie et ta mort, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé sans but. Pour manger, boire, faire des enfants, il a akhir. Faqat la. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour l'adorer. Et bien sûr, tu as le droit de faire des choses autorisées, laquelle le but, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le but. Et c'est ça l'objectif. Qala wa qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah wa qawluhu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa hu. الرحمن الرحيم وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا. Tout ça, ces versets, Cheikh Ibn Uthaymeen, il les cite pour démontrer أن الإله لواحد, الرب لواحد. Et الرب, le créateur, celui qui gère tout, c'est lui qui mérite cette adoration. T'as pas le droit d'adorer un abd ضعيف comme toi, une créature. Là, celui qui mérite l'adoration, c'est le créateur, جل وعلا. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. Donc tu dois te soumettre à hadha rabb hadha al-ilah la ghayr. Et c'est important de donner à chacun son haqq. Fa haqq Allah subhanahu wa ta'ala c'est a'zam al-huquq. Haqq Allah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Ça c'est a'zam al-huquq. Al-huquq c'est le pluriel de haqq. Al-haqq c'est le droit. Chacun il a un droit. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'on l'adore seul. Lil-asaf ba'd an-nas يتخبطون في الحقوق أي إما يدن با لو دروا إما يلو يدن بلوس كو سون دروا فمثلا الرسل من حقوقهم سي كو نؤمن بهم on doit croire à tous les messagers tous les prophètes on doit les aimer. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes, il a abrogé toutes les rasa'il avant lui, donc on doit le suivre. Amma, est-ce qu'on a le droit d'adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Là, c'est un bachar. Et c'est un rasoul, on doit l'aimer. Et on doit le suivre. Amma, lui donner un haq qui n'est pas le sien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il nous a interdit hada. Comme ils ont fait les chrétiens avec Isa. Donc chaque chose a sa place. Tes parents, ils ont des droits. Les droits des parents, ils sont ma'rouf. Tu dois les aimer, tu dois les respecter, tu dois leur obéir. Même si c'est un kafir, tu dois lui obéir, tu dois le conseiller, tu dois patienter avec lui. Et si tu l'aimes, une mahabba tabi'iyya, ben c'est un amour naturel. Lakin pour le din, abadan. Ton voisin, il a des droits. Ton professeur, il a des droits. Ton ami, il a des droits. Chacun, il a des droits. Enfin, mélanger dans ce point, ça fait du mal. Falihada ba'dan nas. As-salihun, ils ont des droits. S'il est mort, et c'était une personne pieuse, il a des droits. On l'aime, on fait du'a pour lui. S'il a des enfants, enfin, on essaie d'avoir un bon comportement avec eux, de les aider. Mouhim, il a des huquq. Amma, sacrifier pour lui, à offrir tawaf autour de sa tombe, à lui demander, c'est pas min huquq. Bel, c'est donner une chose qui peut pas, ou qui ne mérite pas. L'adoration, c'est que pour Allah. Amma al-khurafiyoun, al-quburiyoun, ils prétendent que c'est un manque de respect envers salihin. Abadan. Et ce qu'ils font eux, c'est ta'nun fi rabbil alamin. Léannahu, c'est du shirk. Qala shir mu'uthaymi, wa qad arsala Allah ta'ala jami'ur rusul bidhalik. Et ça, c'est important. Anna la ta'wa de tous les prophètes, tous les messagers, c'est ce fondement, al-ikhlas, al-tawhid. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Tous les messagers وما أرسلنا من قبلك من رسول. Tous les messagers avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il leur a révélé أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي personne ne mérite l'adoration sauf Allah, فأدورez Allah عز وجل seul. وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام فقد وضحه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة النبي صلى الله عليه وسلم il nous a démontré هذا التوحيد il nous l'a expliqué, il nous l'a détaillé il nous a mis en garde contre toutes les choses qu'il annule. Que ça soit shirk akbar, il l'annule complètement, ou shirk asghar, il fait diminuer ce tawhid. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre tout cela. Et parmi les meilleurs livres et les livres les plus simples pour détailler tous ces points fit tawhid et la mise en garde contre shirk, kitab al-mu'allif, kitab al-tawhid, le shaykh al-islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-Tamimi rahmatullah alayhi. Qala wa sadda كل طريق يمكن أن يوصل إلى الكلمة الباواضحة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى سلم هذا التوحيد نعم قال هذا التوحيد أو إضعافه حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Ça, c'est un exemple. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé les portes au shirk. Et il a appelé au tawhid. Quand cet homme, il a dit, Masha'Allah, wa shi'at, si Allah il veut, et toi. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a repris cet homme, il lui a dit, Aj'altani lillahi niddan, est-ce que tu m'as mis comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Bel Masha'Allah wahda. Al-Hadith, il est, fi al-Adab al-Mufrad, lil-Bukhari, comme fi al-Hajjah. Et Cheikh l'Albani, il l'a sahah. Et Cheikh l'Islam, il l'a cité fi kitab al-tawhid. Qawluhu wa sadda kulla tariqin yumkina yusil ila salm. Ay kulla tariq yadhur hada al-tawhid. Yanqusuh ou yunaqidu. Fahada. Wa sadda kulla tariqin yumkina yusil ila salm hada al-tawhid ou idhafih. Tamam. Zaklahu khayyah. قال فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما أي ma sha Allah wa shi'it. Harf al waw. Min ma'ani al waw, c'est taswiya. Tu dis ja'a Muhammad wa Zayd. Ay, Muhammad, il est venu avec Zayd. Ils sont égaux. Ils sont pareils. Ils sont venus ensemble. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a repris cet homme. Et il lui a dit là, ma sha Allah wahda. Wa min dhalik aydan. أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen continue à démontrer des points de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم أنه il a mis en garde contre le shirk. Et Cheikh Al-Islam, il a une autre رسالة مهمة في هذا سماها ستة مواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, 6 points de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, et il cite كذلك des situations qui sont liées au tawhid. قال شيخ ابن عثيمين وجعل ذلك من الشرك بالله فقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. الحديث كذلك هذا صحيح, وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل, إلا الله عز وجل, وحينما قدم عليه وفد. دونك الحلف كذلك سين عبادة, فلا يجوز الحلف بغير الله كساسوا بالكعبة كساسوا بالآباء, que ça soit sur toutes les créatures, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par les créatures, limadha li'annahu, c'est le créateur, azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, fi le Coran, yahlif al-shams, bil-qamar, wa bil-duha, wa bil-fajr. Amma nous, on n'a pas le droit. On est obligé de jurer si on jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut atteindre le niveau de shirk al-akbar. Si un ta'zim, ka ta'zim illahi azza wa jal, il jure par un mort, matalan, et il le addam, comme on addam Allah azza wa jal, et une des preuves, annahu il le addam, et il l'élève, annahu, il peut mentir en jurant par Allah, lakin, si il ment, il ne peut pas jurer par ce mort. Pourquoi? Parce qu'il le addam, il a peur qu'il y ait une conséquence, il se fait châtier, il soit puni. Hada, c'est du shirk akbar. Amma mujarrad, التلفظ لفت دو جوري باغ اوتر كالله, فهذا لا باس سي كسي دو شرك اصغر. قال وذلك لان الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه الا الله عز وجل, وحينما قدم عليه وفد فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا, قال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم mettait en garde contre l'exagération. لأن l'exagération c'est une des causes qui pousse au shirk. النصارى ils se sont égarés لأنهم ils ont exagéré في عيسى. حتى رفعوه إلى منزلة الرب. Ils ont dit c'est lui Allah ou c'est le fils d'Allah. نعوذ بالله من الضلال. Donc le musulman il doit faire attention à l'exagération. C'est pour ça que on a cité en chaque chose elle doit être mise à sa place. Chacun il a des huquq, il a des droits et tu laisses cette personne à sa place. Un rasoul c'est un rasoul, tu l'aimes. Tu le suis, tu crois en lui, annahu c'est un rasoul. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des huquq. Al-ibada, tu dois l'adorer seul. Tes parents, ils ont des hukouk. Tes amis, ils ont des hukouk. Ton nefs, ton propre corps, il a des hukouk. Amma exagéré, ça ouvre un bab, il a shirk. Et ta'ammal hal al-khurafiyin avec al-salihin. Ils aiment al-salihun comme ils prétendent. Ils ont exagéré, hatta l'an, ils les adorent. Comme on adore Allah, azza wa jal. Al-du'a, le sacrifice, ba'dhuhum ils font sujoud, al-tawaf, na'oudou billah. Tout ça pourquoi? Les annahum ils ont exagéré. Si c'est un homme pieux, haqqan, on regarde déjà si c'est un homme pieux, ben il a des huquq, on fait du'a pour lui. On fait du'a pour lui. C'est ça son haqq. Amma l'adoré fala. وقد عقد المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد فقال باب ما جاء في حماية المصطفى حماء التوحيد وسده طرق الشرك. Et c'est un bab azim qu'il a cité Cheikh al-Islam dans Kitab al-Tawhid. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a préservé ce tawhid, il a fait da'wah à ce tawhid et il a fermé les portes à tout ce qui contredit ce tawhid. Et c'est un bab azim fi Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid c'est la référence ou une des références dans cette science, cette tawhid. Et Cheikh l'Islam, il a cité des abwab nafi'a jiddan. Amma, ce genre de livre, al-usul al-sitt, c'est pour avoir un aperçu. Il te cite le fondement du tawhid. Amma, les détails dans ce point et ce qui le contredit, hada, c'est dans Kitab al-Tawhid. Et un autre livre pour mieux comprendre al-Tawhid, kashf al-Shubuhat. Il te citera toujours de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il te cite les Shubuhat de Ha'oula. Il en a cité une huna. Anna, il faut respecter le Salihin. Si tu ne l'adores pas, c'est un manque de respect. Ou si tu ne te rapproches pas de lui, c'est un manque de respect. Il répond à toutes ces Shubuhat. Tout ce qui est lié avec al-Tawassul, les prendre comme intermédiaire à Shafa'a, il cite ces Shubuhat et il répond dans Kashf al-Shubuhat. Celui qui maîtrise Kitab al-Tawhid et Kashf al-Shubuhat, في هذا الباب في باب التوحيد السرعة على خير خاصة si il comprend et il lit بعد ذلك كتاب فتح المجيد l'explication de كتاب التوحيد شيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمة الله عليه فإن شاء الله السرعة على خير قال شيخ ابن عثيمين وكما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره بين ضده وهو الشرك فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré, détaillé al-tawhid dans le Coran et dans le Sunnah, que dhalik, il nous a montré ce qui contredit al-tawhid, al-shirk. Donc on doit faire des efforts fi ta'lim al-tawhid et que dhalik, connaître son contraire, ce qui l'annule, al-shirk. Et il a cité le premier verset min surat al-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika li man yasha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui meurt à la shirk al-akbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui pardonne pas. Ça montre la gravité de hada al-dhanb, c'est a'zam al-dhunub. Ça annule le din de la personne. Al-muslim, le premier péché, le plus grave des péchés, il doit se méfier, il doit s'écarter, c'est hada al-shirk. Et l'il-asaf, inda ba'd al-nas, hada al-shirk, c'est devenu min a'zam al-qurubat indahum. Il yadhbah lis-salih, il fait tawaf, il fait soujoud, il fait dua, tout ça, et il te répond très simplement, Nahu, il demande pour que ce salih, il demande à Allah. C'est aïn ou shirk. Kama kana al-mushrikoun al-awwaloun, ay Quraysh, ils étaient à la hada. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ils ont dit exactement la même excuse. Ils avaient exactement la même raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés kuffar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Donc, ayyuhal muslim, préserve ton din. Adore Allah Azza wa Jal seul. Pourquoi tu délaisses Allah Azza wa Jal pour adorer une créature? Et tu prétends te rapprocher, vouloir te rapprocher d'Allah. Ah, là, c'est une contradiction. Celui qui veut se rapprocher d'Allah, il adore Allah. Fais le hajj. Avec une niya khalisa, c'est pour Allah. Fais le salat, fais le dua. Sors la zakat, fais le siyam. Et un bon comportement. Tout ça, inshallah, ça te rapproche d'Allah. Et ta'ala khayr. Amma, toujours autour des temples, demander aux morts, sacrifier pour les morts. Ça, c'est al-shaytan qui a égaré ha'oula. قال وقال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَالَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَالْآيَاتُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ رواه مسلم من حديث جابر وكذلك أخرجه الإمام البخاري من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. Donc ça nous montre أن la plus grande cause pour rentrer في الجنة c'est s'écarter du shirk et appliquer le tawhid. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. La plus grande cause qui fait rentrer le nar c'est de faire du shirk et de s'écarter du tawhid. Donc al-mizan. Et la chose la plus importante, c'est at-tawhid. Et s'écarter du shirk. C'est la différence entre nous et al-kuffar, al-mushrikoun, al-wathaniyoun. Donc en tant que muslimin, on doit donner du temps à had. Nos efforts fi talab al-ilm, la plupart de nos efforts, c'est fi had. Même la langue arabe et tous les ulum qu'on apprend, c'est pour mieux comprendre had. Qala wa shirku ala nou'ayn. Al-shirk, il y a deux catégories. الأكبر والأصغر. قال النوع الأول شرك أكبر مخرج عن الملة. Le premier shirk, c'est l'akbar, et il fait sortir صاحبه من الملة. Et celui qui fait du shirk akbar, il sort de l'islam. Et si il se repent avant la mort, façon repentir, il a accepté. Fal mushrik, tant qu'il est vivant, il y a encore un espoir qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin si il meurt, فالله subhanahu wa ta'ala قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ ابن عثيمين وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو منافي للتوحيد منافاة مطلقة. الشرك que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في القرآن أو le prophète sallallahu alayhi wa sallam في السنة et في الشريعة. Et ce shirk, il annule complètement le tawhid. Comme le fait de faire as-sujoud li ghayrillah, demander à autre qu'Allah, sacrifier pour autre qu'Allah, tout ça c'est le shirk al-akbar. Limadha li'annahu il annule le tawhid. Mithl an yasrif shay'an min anwa' al-ibada li ghayrillah, bi an yusalli li ghayrillah, aw yadhbah li ghayrillah, aw yanzur li ghayrillah, aw yad'u ghayrallah ta'ala, mithl an yad'u sahib qabr. Et hadha c'est muntashir lil-asaf. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة أو قال مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا حاضر كذلك un vivant s'il n'est pas présent et il ne peut pas l'aider, ça te montre Anna, si tu demandes à quelqu'un de présent qui peut t'aider, c'est pas du shirk. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde de trop demander aux gens لأن ça te rabaissera. Et c'est un autre sujet avec des détails. Amma, demander, ou al-ayyadu billah, ba'dan nas, rubbama, il est dans un pays, et son cheikh, il est dans un autre pays, et il lui arrive quelque chose et il demande. Ka'anna, son cheikh, il l'entend et il peut l'aider. Ahada, c'est min al-shirk al-akbar. Limadha, li'anna, il a une aqida, anna hada al-shirk, il peut faire des choses. Alors que, fil haqiqa, il n'est pas capable. Et al-sawfiyya, ils ont des ajaib fi hada al-bab. Ce qu'ils appellent al-karamat, et c'est du shirk واضح. قال او يدعو غائبا لانقاذه من امر لا يقدر عليه الا الحاضر وانواع الشرك معلومه فيما كتبه اهل العلم. Et كتاب التوحيد شيخ الاسلام il a cité beaucoup de khair في هذا الباب. Donc الشرك الاكبر le premier nom صاحبه سيمار على هذا الشرك والعياذ بالله الله لا يغفر pas ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صاحبه سيمار على هذا il rentre في النار éternellement, en enfer éternellement, il rentrera jamais au paradis. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صاحبه سيمار على الشرك الأكبر il profitera en rien de الشفاعة. حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والمشرك il n'a pas dit la ilaha illallah, même s'il la prononce, il n'est pas mukhlis, il adore autre qu'Allah, azza wa jal. S'il meurt à la shirk al-akbar, ses enfants, s'il a laissé des biens, et ses enfants c'est des musulmans, ils ne peuvent pas hériter de lui. La yirith, al-kafir al-muslim, ou al-muslim al-kafir. Des choses qui sont graves, la shirk, ce n'est pas quelque chose de simple. Et on vit à une époque, dans certains endroits, la shirk, c'est devenu normal. Shirk al-akbar, wadih, et c'est devenu normal, عند الناس. فعلينا الاجتهاد في هذا الباب النصيحة والبيان. النوع الثاني الشرك الأصغر deuxième catégorie الشرك الأصغر كل وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينفي التوحيد منافاة مطلقة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ils ont appelé ce عمل شرك que ça soit une parole ou un acte, lakin cet acte il annule pas le tawhid complètement, il le fait diminuer. قال مثل الحلف بغير الله فالحلف بغير الله الذي لا يعتقد ان لغير الله تعالى من العظمه ما يماثل عظمه الله عز وجل مشرك شركا اصغر. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité la précision ان هذا الحلف ça peut être du akbar. Si il met cette personne مثلا ce mort, il jure par ce mort, il le met au même niveau qu'Allah Azza wa Jal fil azama, et yorubbama s'il ment, il a peur que ce mort il le châtie, fahada c'est du shirk akbar. Amma mujarrad al-talaffud, il jure par le Kaaba ou autre, fahada c'est du shirk asghar. Qal wa mitlu al-riya wa huwa khatir, kadhalik al-riya. Il fait l'amal lillah, lakin, kadhalik, il espère, et ça le motive que les gens ils le voient. Fahada, son ikhlas, il n'est pas complet. Il a un manque. Ça s'appelle riya, ça vient de ru'ya. Il fait pour que les gens, ils le voient. Kadhalika sum'a, ça vient de sum'a. Il fait pour que les gens, ils l'entendent. Et hada, c'est khatir, comme a dit le shir. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر وقد مثل ابن القيم رحمة الله عليه للشرك الأصغر بيسير الرياء وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر ست مسألة دون كتاب التوحيد. Obama, ça atteint le niveau du shirk al-akbar. Si toutes ses œuvres, il les fait que pour les gens. Et il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Et son but, c'est plus Allah azza wa jal. Fahal al-munafiqin, il est ma'rouf indakoum. Anahoum, ils ont fait des œuvres. Min salatin wa hajjin wa ghayri dhalik. Lakin, le but, c'était pas de se rapprocher d'Allah azza wa jal. Le but, c'était de préserver leur bien. Ou leur sang. Ou ghayri dhalik. Enfin, c'est des kuffar, mushrikoun. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فعلى كل حال الرياء dangereux. الرياء ça fait du mal au tawhid. فالإنسان il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. العباد aujourd'hui il est satisfait de toi, demain il te critiquera. Enfin, pourquoi faire pour lui? Qu'est-ce qu'il va te donner? العبادة c'est العبادة. أما المعاملة الطيبة avec le مخلوق, avoir un bon comportement, ça c'est طيب. Notre دين nous incite à هذا. أما العبادة فلا. On fait attention. Quand on est tout seul, on fait salat d'une façon. Quand on est au masjid et il y a beaucoup de monde, on fait la salat d'une autre façon. Il fait des efforts. Et on n'est pas préservé. Lakin al-insan, il combat. C'est un jihad azim de repousser al-riya. On n'est pas préservé. Et shaytan yajri fi bani adam majra dam. الشيطان يفعل tout pour nous égarer, لكن on repousse هذا العدو et on repousse هذا الشر الرياء tant qu'on peut. Et نستعين بالله عز وجل. Et cette étude du tawhid, inshallah, ça t'aidera à repousser هذا الرياء. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به, هذه سن فائده, ان بعض العلماء يقولون أن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به سأنغلب كذلك الشرك الأصغر. قال الشيخ ابن عثيمين يشمل كل شرك ولو كان أصغر, فالواجب الحذر من الشرك مطلقا. نعم, شيخ الإسلام إلى أن قول في هذا كذلك, إلى أن قول أنه سيبغ الشرك الأكبر, إلى أن قول أنه سأنغلب الأصغر كذلك. الشيخ ابن عثيمين إلى دتاي شيئا ما ست مسألة في القول المفيد son explication de كتاب التوحيد. وعلى كل حال الشرك الأصغر سيغال. Et même si on dit que Allah il le pardonne pas, ça ne veut pas dire que sahibuhu il va en enfer éternellement. Là, لأنه, ne pas se faire pardonner, ça implique pas l'éternité en enfer. فمثلاً, si on prend le قول أن celui qui fait du shirk même asghar, Allah il le pardonne pas, il sera châtié par rapport à son shirk asghar. مثلاً, il a juré par autre qu'Allah, لكن ça implique pas qu'il sera éternellement en enfer. مثلاً, il se fera juger, châtié un temps déterminé par rapport à cette ma'siyah, par rapport à ce shirk asghar, thumma, il sortira. Ala al-qawl annahu, c'est pas pardonné. Amma qawl akthar al-ulama wallahu a'lam annahu, c'est comme les autres dhunoub, Allah il peut lui pardonner. S'il lui pardonne, Allah azza wa jal, falhamdulillah. Ala kulli hal, Cheikh Ibn Uthaymeen, il te cite hada pour te montrer la gravité du shirk al-asghar. Anna qawl min aqwal al-ulama, Allah il le pardonne pas. Donc c'est très très grave. كذلك الشرك الأصغر c'est une porte ouverte au shirk al-akbar. Donc l'insan il ferme les portes au shirk, que ce soit shirk kabir ou saghir. قال فإن عاقبته وخيمة, قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ça c'est le châtiment pour le mushrik. Ça c'est le résultat والعياذ بالله. فإذا حرمت الجنة على المشرك لازم أن يكون خالدا في النار أبدا. Celui qui ne rentre pas fil janna, fa il reste en nar. Li anna fil akhira, fariqun fil janna ou fariqun fil sa'ir. Il y a deux demeures, imma janna, imma nar. Fa celui dont le janna lui est interdit, il reste en nar. Fa le mushrik billah ta'ala qad khasira al akhira la raib. Li annahu fil nar khalidan wa khasira al dunya li annahu qamat alayhi al hujja. Wa ja'ahu al nadhir, wa lakinahu khasira. Lam yastafid min al dunya shay'an. Fa ça te montre anna al dunya, c'est pour ou contre Al-Abd. C'est pour Al-Insan, si cette dunya il la met au service de son din. que ça soit le travail, que ça soit sa famille, ses enfants, tout ça, ça doit l'aider fidèle. Si ça fait du mal à son dîn, c'est un char. Et dunya, elle est contre l'insan, si elle prend le dessus sur le dîn, il oublie le dîn. Robama, il a plus de tawhid, robama, il fait du shirk, iyadam billah, robama, il fait plus salat, il délaisse salat à cause de dunya. Cette dunya, ça devient du shirk. Donc, nous, cette dunya, on doit s'en servir. C'est comme un champ, mazra. Al-an, tu sèmes, et plus tard, inshallah, tu récolteras. Raka de dunya. Dunya, c'est une étape. Qul mata'u dunya qalil. قال الشيخ ابن عثيمين لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيئا قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. On fait attention de ne pas faire partie de هؤلاء الخاسرون. Ils ont tout perdu. لماذا؟ لأنهم ils ont délaissé le dîn, ils ont profité de la dunya فقط. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وأوردها النار وبئس الورد المورود وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم. Et ça c'est une musibah. أنه si ses proches c'était des mu'minoun, il rentre في الجنة et lui il a pas fait les efforts et il est في النار, il verra plus sa famille. فخسر نفسه وأهله. Amma al-mu'min, s'il rentre fil jannah et ses proches, c'était des kuffars, ou parmi eux il y avait des kuffars, ça lui fera aucun mal. Li'anna fil jannah, il n'y a aucune tristesse, aucun regret. Il les oubliera. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le remplace par des gens meilleurs, al-mu'minoun, qui sont avec lui. Amma fil nar, il se fait châtier et en même temps, il souffre à cause de cette séparation. Fal-mu'min, il est al-khir dans tous les cas. Et le kafir, ou l'ayadu billah, khasir. قال وأوردها النار وبئس الورد المورود وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم وإن كانوا في النار فكذلك لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. واعلم أن الشرك خفي جدا وقد خافه خليل الرحمن إمام الحنفاء كما حكى الله عنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شيخ ابن عثيمين conclut ce point avec cette فائدة عظيمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال كما قال الله عز وجل في القرآن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مع أن إبراهيم تعلمون سي إمام الموحدين إمام الحنفاء خليل الرحمن سي أفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع. مع هذا il a eu peur du shirk alors que c'est إمام الموحدين il a combattu le shirk et il a appelé au tawhid. Hatta son père, il s'est désavoué de lui à cause du shirk. Ma'a dhalik kulli, il dit, alayhi salatu wassalam, wajnouni wabani an na'bud al-asna. Malgré tout ça, il ne s'est pas senti en sécurité d'adorer les idoles, les statues. Fa anta akhil karim, ne te sens pas en sécurité. Daiman, fais des efforts et demande à Allah Azza wa Jal qui te préserve. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te fasse mourir sur le tawhid. Kadhalik, les enfants. Ibrahim, il a pensé à ses enfants. Enfin, nous, on doit penser à nos enfants sur ce bœuf. On ne doit pas penser qu'à l'avenir, le travail, les diplômes, qu'est-ce qu'il va manger demain, est-ce qu'il va se marier. Pardonne-nous, ta'lamoun annahum, ils prennent soin de leurs enfants, mais que du côté de dunya. Et fil haqiqa, il ne prend pas soin d'eux. Celui qui prend soin de ses enfants, c'est il les éduque à l'islam, à la sunna, il pense à leur avenir. Il fait tout pour que leur facilite tariq al-jannah. Et bien sûr, il prend soin d'un niveau de dunya. Lakin, ça suit. C'est pas la base. قال وتأمل قوله وجنبني ولم يقل ومنعني لأن معنى جنبني أي جعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب. نعم أي loin du shirk. وهذا أبلغ من منعني لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الأثر في صحيح البخاري. 30 compagnons il a rencontré, ibn Abi Mulayka min at-tabi'in, il a rencontré 30 compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, chacun d'eux il avait peur على نفسه من النفاق. Ça nous montre أن الإنسان لا يأمن من مكر الله. الإنسان دائما il fait des efforts et il ne se sent pas en sécurité. Les anna croient d'être préservé et ne pas risquer de tomber dans telle chose. Tu te laisses aller et tu fais cette chose. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان أن أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ قوة إيمان. أن عمر خاف على نفسه مع أنه مبشر بالجنة. Depuis qu'il s'est converti jusqu'à ce moment, il a fait des efforts pour le dîn. Min jihad wa salat ila akhirah. Avec tout ça, il a eu peur de faire partie de cette liste que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait cité à Hudayfa, et le nom des munafiqin. Il pensait que Rubama il est dans cette liste. Il a demandé à Hudayfa. Et Hudayfa lui a montré qu'il ne fait pas partie de Haoula. Ça te montre où est l'iman. Le musulman, il est entre khawf wa raja. Khawf wa raja. Il a peur, kadhalik il espère. On ne désespère pas. Lakin, ce qui est grave, c'est de basculer dans un des extrêmes. Imma la peur sans espérer, imma espérer ne plus avoir peur. Hada, ça fait du mal. Et on a un exemple fi ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. قال مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته فلا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. كلمة طيبة. لا يأمن النفاق إلا منافق. Celui qui se sent à l'abri de l'hypocrisie de النفاق ربما c'est un hypocrite. قال ولا يخاف النفاق. Et ceux qui ont peur du نفاق c'est les مؤمنون. قال فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فستمر أن السلف nos exemples, nos modèles, أنهم le plus grand effort qu'ils faisaient c'est sur l'ikhlas. Jour après jour, on s'améliore في الإخلاص, la sincérité. فالشرك أمره صعب جدا ليس بالهين ولكن ييسر الإخلاص على العبد وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. الشرك c'est grave. Il ne faut pas qu'on prenne ce zumba à la légère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite lakin en faisant les côtes. Et demain, on lira une parole nafi'a de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Fait l'ikhlas pour compléter ce point. Thumma, on lit le deuxième, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.